Unité 4, leçon 1. Document 1, page 66. Très bien. Je crois que nous allons faire du bon travail ensemble. Bonjour messieurs, dames. Qu'est-ce que vous prenez ? Ah, moi j'ai faim. Donnez-moi un petit déjeuner complet avec du jus d'orange et du café, s'il vous plaît. Vous préférez du pain ou des croissants ? Du pain avec de la confiture et du beurre. Et vous, mademoiselle ? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle, pour bien travailler, il faut bien déjeuner le matin. Je sais bien, mais le matin, je n'ai pas faim. Et vous, monsieur ? Donnez-moi aussi un petit déjeuner complet, avec du thé et des œufs. Ah, non, monsieur. Nous ne servons pas d'œufs le matin. Nous ne sommes pas en Angleterre. Alors, donnez-moi un petit pain au chocolat ? Je suis désolé, nous n'avons pas de pain au chocolat. Les croissants sont bons ? Bien sûr, monsieur. Alors, je vais prendre un croissant. Vous voulez du lait ? Non, merci. Je ne bois pas de lait. Je vous apporte tout ça. Pas très aimable, ce garçon.